dans le Père, réduit au son, mis en l'esprit, suivant son nom, gardant l'estime, prouvant l'accueil dans son esprit. Quel beau jour, faisant l'esprit dans son amour. La parole parle et réduit au son, Jésus s'annonce pour l'éternité. Quel beau jour, faisant l'esprit dans son amour. Quel beau jour, faisant l'esprit dans son amour. La parole parle et réduit au son, Jésus s'annonce pour l'éternité. Quel beau jour, faisant l'esprit dans son amour. Suivant le temps, réglant l'esprit, dans sa venue, l'amour de Dieu, versant son nom, Christ dans le temps, prouvant l'accueil dans son amour. Quel beau jour, faisant l'esprit dans son amour. La parole parle et réduit au son, Jésus s'annonce pour l'éternité. Quel beau jour, faisant l'esprit dans son amour.